Audiomatique. Le compositeur américain Michael Stearns se voyait confier par les électronistes le mandat d'ouvrir la transmission 114 d'Audiomatic avec la pièce Encounter, Awaiting the Other, extraite de son album Encounter, A Journey in the Key of Space, paru en 1988. Cela ne sert à rien aux électronistes de parler, puisque le discours musical en soi est une forme de narration plus pertinente. ce qui concluait cette séquence musicale est le projet Clark de l'artiste Christopher Stephen Clark. Nous entendions la pièce Four Wolves Crew de l'album Turning Dragon paru en 2008. Avant Clark, nous écoutions une composition de Joachim Spieth, artiste qui explore les sonorités deep house minimal. La pièce Nimmer Allein paraît sur la compilation Total 5 produite par l'étiquette de disque Compact. Et en début de séquence, c'était la collaboration entre le projet Apparat et la DJ Ellen Alien, pseudonyme d'Hélène Fratz. Ensemble, ils nous offrent l'excellent album Orchestra of Bubbles, mariant l'IDM et la techno, duquel nous entendions la pièce Do Not Break. Les électronistes vous convient à découvrir à l'instant une pièce de Kid 606 à Audiomatic. Thank you. à Audiomatique. Il s'agissait de l'artiste américain Paul Dennis Miller, ou si vous préférez DJ Spooky That Subliminal Kid, avec sa composition Synaptic Dissonance de son mini-album Synthetic Fury. Et pour débuter ce court segment, il s'agissait de Miguel Trost de Pedro, un artiste américain d'origine vénézuélienne qui se fait communément appeler Kid 606. On pouvait entendre la pièce Over and Under, TNK, tirée de la compilation Knots, qui rend hommage à la formation de rock progressif britannique Gentle Giant. En effet, chaque contributeur à la compilation Knots devait composer une pièce à partir d'une banque d'échantillonnage puisée dans l'œuvre de Gentle Giant. Allons-y maintenant à Audiomatique avec le projet Zoufou. saw our angles, Cupid's untangled from the mangled tropical. There's a popular lock and I operate chopper, stop the copies from hopping up, dropping a copy, sloppy up, simple bone, get blown out of your skeletal. Pitiful, but opposed to the sword, metal welding and genetic codes, spit from metal long range of the game. My aim is to remain strange, numb veins, unchanged, but very far range for writers to claim. My brain pain made my thoughts form helixes, intensity eclipses misfits with elliptic forms. And it's been said, every time I rhyme is cold red, on a moped with a coke head, in a broken shortwave radio, through the dark moon metro, roll so unpaired, HP so free from the get-go, stop at a Texaco, crack holes with calicos, trying to go south or southwest on 95, paralyzed, my rhymes go off in tangent, hand spins, and windmills ill still, the chill of death made me feel cold, gotta roll the windows down and let the sound leak out, freak out, I often seek out sounds, the speakers bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. I write like a man who can't read, feeling the need to seize his mind of reason, I spit treason, MCs and seasoned vets freezing, I rap like there's nothing left to believe in, clumsily uneven animal hands, gorilla pat anarchist, the harvest that harkens from the darkest dope fossil. This land I run, I use the mic stand where my hand goes numb. I jam my thumb escaping from the box you tried to block me in. Blue like the color of blood before it hits oxygen. I sit cross-legged in a white room with gloom. Thought balloons bloom, stain your food of the looms. Perfume and the odor of doom spell capitalism. Untrappable rhythm spill, so what's ill? C'est sur le mélange d'IDM et de hip-hop que nous propose Anti-Pop Consortium que se terminait cette courte séance musicale de deux pièces. La composition 39303 se trouve sur le mini-album d'Anti-Pop Consortium intitulé The Ends Against the Middle. Et avant cela, c'était Zufu, le projet solo de l'artiste péruvien Felipe Salmon et sa pièce Junk in the Trunk qu'on trouve sur la compilation volume 1 de l'étiquette de disque Eddie Larkin. Soulignons que Felipe Salmon est l'un des deux membres de la formation Dengue Dengue Dengue. C'est avec le duo américain Matmos que les électronistes tireront leur révérence en vous présentant la pièce Sun on 280 to the 1 qui viendra clore officiellement cette transmission 114 d'Audiomatique. Les environnements numériques permettent aux électronistes d'être partout et à toute heure dans vos haut-parleurs ou vos écouteurs grâce à l'archivage des transmissions d'Audiomatique sur le profil mixcloud.com/audiomatique et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Mais si vous aimez mieux les ondes radiophoniques, vous pouvez toujours écouter la transmission 115 en direct mercredi prochain dès 17h. Les électronistes vous remercient de votre attention et vous laissent, comme promis, aux bons soins de Matmos et leur composition Sun on 280 to the 1.